Chapitre 14. Le lendemain de ce jour, une grande soirée réunissait à Hawker Park toutes les notabilités des alentours. Les invités devaient revêtir un costume local d'un coin quelconque du globe. Cette fête, particulièrement brillante, serait la dernière de la saison, et Magali, après une longue résistance, avait dû enfin céder aux instances de Lady Isabelle, qui tenait absolument à la voir y prendre part. C'était la première fois depuis l'accident de Freddy qu'elle reparaissait à une des fêtes d'Hawker Park. Cette perspective ne lui causait qu'un ennui, une vague angoisse même. Elle pensait avec satisfaction que bientôt la duchesse et ses enfants retourneraient à Londres et qu'elle, Magali, se trouverait à peu près libre de demeurer dans la solitude du petit appartement qu'occupait Mademoiselle Amélie à Hawker House. Lady Ophélia et Lady Isabelle devant être cette année présentées à la cour et se trouvant de ce fait complètement lancées dans le grand courant mondain. Elle pourrait là-bas travailler tout à son aise et peu à peu se libérer des bienfaits si lourds à sa fierté, mais dont elle garderait toujours la plus profonde reconnaissance. Lorsqu'elle eut revêtu, ce soir-là, le costume d'Arlésienne confectionné par elle sur l'idée que lui en avait donné son frère et Lady Isabelle, Freddy, en la voyant entrer dans le parloir de Mademoiselle Amélie, ne put retenir une exclamation charmée. « Comme cela te va bien, Magali! Qu'en dites-vous, Mademoiselle Amélie ?»« Oui, elle est une Arlésienne très réussie, » répondit la vieille demoiselle. À part elle, elle pensait que sa chère Magali était tout simplement ravissante. La jupe noire à plis droits, le fichu de gaze blanche rendaient plus délicat encore le teint à peine rosé, et sous la coiffe au large velours noir n'en serrant que le haut de la tête, les bandeaux blonds, ondulés, encadraient cet admirable visage de médaille grecque, à la fois fier et doux, un peu mélancolique ce soir. Cependant, Magali ne semblait pas du tout pressée de gagner les salons. Elle demeurait immobile au milieu de la pièce, l'air pensif, tenant machinalement entre ses doigts la croix de Malte en or qui apparaissait entre les plis du fichu. « On ne dirait pas que tu vas à une fête, petite sœur, » fit observer Freddy d'un ton de reproche. « Il y a de la tristesse dans ces yeux-là, tu ne souris plus si souvent. » « Cependant, ton sourire est si joli, Magali !» Elle eut un léger mouvement d'épaule. « Cela me coûte tant de me rendre à cette soirée, mon Freddy !»« Par exemple, ce sera très réussi et tu auras un succès. Allons vite, il est tard, Magali !» Lorsque Mademoiselle Amélie et ses pupilles entrèrent dans les salons, la plupart des hôtes d'Hawker Park et des invités du dehors s'y trouvaient déjà. Il y eut un murmure d'admiration à l'apparition des deux jeunes gens. Freddy avait un costume hindou. Sous le turban blanc, tranchant sur les bennes de sa chevelure, son visage apparaissait très délicat, presque marmoréen, tel que celui d'un jeune brahmane élevé à l'ombre de l'autel. Et, de l'avis de tous, jamais le velours noir des Arlésiennes n'avait dû couronner une tête plus idéale, plus royalement belle que celle de Magali Dolté. « Quelle est donc cette délicieuse Mireille blonde ?» demanda Madame de Solfeuille, une jeune Parisienne, femme d'un attaché de l'ambassade de France, arrivée à Hawker Park depuis quelques jours seulement. « Une demoiselle de compagnie, tout simplement !» répondit Mizetti d'un petit ton dédaigneux. Le duc de Saldif, en costume norvégien d'une sobre élégance, se tenait debout à quelques pas au milieu d'un groupe. Il eut un léger froncement de sourcils, son regard, à la fois irrité et moqueur, effleura l'américaine, vêtue d'un sobre frison extrêmement riche, ainsi qu'il convient à une fille de milliardaire, dont le principal mérite réside dans les dollars paternels. Puis, se détournant avec quelque vivacité, il donna à l'orchestre le signal de commencer le bal et se dirigea vers la jeune baronne de Solfeuille avec laquelle il devait ouvrir la soirée. « Cette ravissante Arlésienne est certainement un peu ma compatriote, milord !» dit la jeune femme lorsqu'en passant, ils croisèrent Magali qu'avait invité Ferdinand de Wolberg. En effet, madame, par son père qui était provençal. Mais sa mère était anglaise, du moins nous le pensons. » Et devant le regard surpris de la baronne, Lord Gérald lui narra la triste histoire des deux orphelins. « Pauvres enfants, quelle extraordinaire aventure! Et comme ils vous doivent de la reconnaissance! Cette jeune personne est un type idéal. Il faudra que je lui demande la permission de la peindre dans ce costume. Jamais je n'aurais eu sous la main pareil modèle. Il y a dans ses yeux-là tout un poème de lumière et de bonté. « Oh, madame, quelle observatrice spontanée vous êtes !» dit le duc avec un sourire un peu forcé. « Quoi, au passage seulement, vous avez saisi cela ?»« Certainement, milord, cet instant m'a suffi. Ce regard est à lui seul une merveille. Voyons, me suis-je trompé dans mon jugement ?»« Non, madame, répondit-il gravement. Vous avez bien caractérisé en quelques mots Miss Dolté. Elle est, en effet, une âme lumineuse, une harmonie de bonté et d'exquise charité. Chez elle, chose trop rare, la beauté intérieure répond à la beauté physique si elle ne la surpasse même. Je ne sais si vous avez lu cette page où Frédéric Mistral parle d'Aiglet, ces plantes à fleurs d'or qui croissent dans l'eau claire, couleur du ciel, et dont il croit originaires les fleurs de lys d'or, armes de France et de Provence, brillant sur fond d'azur. Eh bien, ces lys d'or du pays de Mireille sont l'emblème de Miss Magali, et l'onde où ils se mirent n'est certainement pas plus transparente, plus délicatement azurée que cette âme de jeune fille. On voit que vous êtes poète, milord, dit la baronne en souriant, et sur certains points, vous me faites l'effet d'avoir l'esprit assez peu anglais. Mon ami Douled, que vous avez connu à Paris, je crois, m'assurait que j'avais dans le cerveau et dans le cœur un petit coin de lumière tout à fait méridional, même purement grec, prétend-il. Je l'ai probablement hérité d'une de mes aïeules, descendante des Hélènes. Un rayon du soleil de l'Hélade perçant les brumes d'Angleterre, mais peu ont le privilège de l'apercevoir, milord. En effet, cette partie de mon âme reste fermée aux profanes. Vous voyez que je ne vous range pas de ce nombre, madame. J'en suis extrêmement flattée, car je sais ce que vaut votre estime. Mais dites-moi, milord, vous me présenterez cette fleur de Provence? Je serai ravie de mieux la connaître et je lui adresserai ma petite requête. Je le ferai volontiers, madame. Et, insensiblement, il fit dévier la conversation sur un autre sujet. Freddy avait été bon prophète. Magali avait un succès qui faisait jaillir des prunelles bleues d'Ophélia, des lueurs de colère. Mais la jeune Arlésienne n'en semblait aucunement grisée. Très calme, gracieuse et fière à la fois, un sourire discret aux lèvres et un peu de mélancolie au fond de ses yeux noirs, elle semblait une souveraine, accueillant par devoir les hommages de ses sujets, mais n'y prenant aucune satisfaction. Elle refusait beaucoup de danse en prétextant une migraine qui débutait. Et, de fait, elle se sentait vraiment les tempes serrées depuis son entrée dans les salons. Cette fête était décidément pour elle une rude corvée. Le duc de Saldif éprouvait la même impression, car, aussitôt que ses devoirs de maître de maison le lui permettaient, il allait s'accouder un moment à la fenêtre d'un petit salon laissé sur son ordre dans une demi-obscurité, et offrait quelques instants sa tête brûlante au souffle frais de la nuit. Il se trouvait là depuis un moment lorsque Lord Archibald entra et vint lui poser la main sur l'épaule. Il eut un tressaillement et se détourna. « Ah, c'est vous, Archie ?»« Oui, c'est moi. Vous savez, elle m'a refusé, » dit Lord Othil d'une voix un peu rauque. Le duc, d'un geste nerveux, saisit une rose dans une jardinière et se mit à l'effeuiller machinalement. « Ah, vous lui avez demandé ? » dit-il avec calme. « A-t-elle donné une raison ?»« Oui, elle ne veut pas épouser quelqu'un d'un rang supérieur au sien, estimant que chacun doit demeurer à sa place et ne voulant pas être reçu par grâce dans une famille. » « Cela prouve en faveur de sa sagesse, Archie. » Certainement, mais enfin, ces mariages-là se voient assez fréquemment, de notre temps surtout. Je pense plutôt, Gérald, que je ne lui suis pas du tout sympathique, fit-il avec mélancolie. Le duc posa sa main sur l'épaule de son ami. « Ne croyez pas cela, mon cher Archie, dit-il affectueusement. J'ai entendu un jour Miss Magali approuver pleinement Lady Steinberg qui parlait de vos excellentes qualités morales. Vous êtes de ceux que l'on connaît vite et que l'on apprécie de même, Archie. » « Il paraît que cette estime ne va pas jusqu'à m'accepter pour époux, » dit tristement le jeune lord. « Elle n'a pas hésité, je vous assure, et j'ai bien compris qu'il n'y avait pas lieu de revenir à la charge. »« Enfin » murmura-t-il avec un soupir de regret. L'orchestre attaquait les premières mesures d'une danse ancienne. Lord Gérald eut un léger sursaut et lança par la fenêtre la rose à demi effeuillée. « J'oubliais que j'avais invité la duchesse d'Elano pour cette danse. Venez-vous, Archie ?»« Non, je vais demeurer un peu ici pour me remettre de cette déception très cruelle. J'y penserai longtemps, Gérald. » Un vague sourire, teinté à la fois d'ironie et de tristesse, entr'ouvrit les lèvres du duc. « Mon très cher, tout passe en ce monde, ces souvenirs-là comme les autres. Du moins, je veux l'espérer. » Acheva-t-il entre ses dents, en quittant le salon où demeurait le pauvre lord Archibald, très abattu de sa déconvenue. Là-bas, tout au fond de la grande serre, Magali s'était réfugiée en prétextant sa migraine, devenue d'ailleurs une douloureuse réalité. Elle avait entr'ouvert la porte donnant de ce côté sur les jardins et offrait son front fatigué à la brise rafraîchissante, un peu humide, de cette soirée d'automne. La demande de lord Othil l'avait peu émue, pas davantage celle que Ferdinand de Wolberg lui avait adressée un peu auparavant. Elle avait refusé sans une hésitation même lord Archibald, dont elle appréciait d'ailleurs les sérieuses qualités. Jamais une pensée d'ambition n'avait traversé l'esprit de Magali, et la recherche de ces deux jeunes gens, également nobles et riches, l'avait laissée assez indifférente. Mais tout cela avait réveillé cette vague souffrance, reléguée au fond d'elle-même, et elle éprouvait le besoin de se retirer quelques instants à l'écart de cette agitation, de cette lumière, de ce monde vain et fatigant. Ici, la lumière avait été à dessein atténuée, elle se répandait, très douce, un peu rosée, sur les grandes fougères et les palmiers ornant ce coin de serre. Le parfum des roses qui en tapissait littéralement les parois flottait dans l'atmosphère, rafraîchi par l'air arrivant des jardins. Magali eut tout à coup un sursaut d'effroi. Une ombre venait de se dresser au dehors et s'avançait vers elle. Elle reconnut William Roswell. Elle savait par Freddy que le duc lui avait donné son congé et que le secrétaire devait partir le lendemain. Elle fit quelques pas dans l'intention de gagner l'autre partie de la serre où se promenaient quelques couples. Mais Roswell entra brusquement et vint se placer devant elle. « Pardonnez-moi de vous aborder ainsi, » dit-il en s'inclinant profondément, « mais je n'ai pas eu l'honneur d'être invité à cette soirée et il fallait cependant que je vous parle. Vous savez peut-être que le duc de Staldiff m'a remercié de mes services et que je quitte demain Hooker Park. » Elle fit un signe affirmatif en détournant son regard de ses yeux qui semblaient réellement, dans la demi-obscurité, dégager des lueurs phosphorescentes. « C'est là, évidemment, un des caprices dont je vous ai parlé, car je me flatte d'avoir toujours fait mon possible pour contenter ce maître peu facile, » dit-il d'un ton où passait une irritation haineuse. « Mais enfin, peu m'importe. » J'ai de quoi vivre largement, très largement même, et je n'ai jamais eu l'intention de m'éterniser ici. Seulement, je voulais auparavant vous demander, Miss Magali, si vous vouliez bien m'accorder le bonheur de m'accepter pour époux. » Elle eut un brusque mouvement de recul. « Vraiment, je ne comprends pas que vous y songiez, » dit-elle sèchement. « Parce que j'ai 45 ans et vous 18 ?» Cela se voit encore assez souvent, croyez-moi, et ces mariages-là ne sont pas toujours les plus mal réussis. J'ai une certaine fortune, je vous entourerai de bonheur et d'affection. » Elle l'interrompit d'un geste impératif. « Laissons cela, je vous en prie, car je ne puis que vous répondre par un refus absolument définitif. » Le visage de Roswell eut une crispation. « Au moins, pourriez-vous réfléchir un peu, » dit-il d'un ton irrité. « Vous vous figurez peut-être qu'avec votre beauté et vos talents, vous ferez quelque noble et opulent mariage. Cela est bien problématique, croyez-en mon expérience. » « Peut-être pas si problématique que vous le pensez, » dit-elle avec ironie. Un éclair soupçonneux jaillit du regard de Roswell. « Vraiment, en auriez-vous fait l'expérience ?» dit-il en dissimulant sous un ton narquois l'inquiétude qui le saisissait. Lequel de ces jeunes lords a osé passer outre à ses traditions de famille pour offrir son nom à Magali Dolté ? Je suppose que vous ne vous attendez pas à recevoir de réponse à une aussi indiscrète question, dit Magali avec un dédaigneux mouvement de tête en essayant de faire quelques pas en avant. Mais il se trouva encore devant elle une expression sarcastique animant maintenant son visage blême. « Pas si vite, Miss Dolté, pas si vite !» dit-il railleusement. « Ne prenez pas vos airs d'impératrice, il vous sied très bien, mais j'aimerais mieux pour l'instant une réponse à ma question. » « Et moi, je veux que vous me laissiez passer !» dit-elle résolument. Sans paraître l'entendre, il poursuivit en scrutant de l'œil sa physionomie. « Je ne suppose pas que ce soit le duc de Staldif. » Magali eut un imperceptible tressaillement, un peu de pâleur s'étendit sur son teint mat. Mais, se dominant par un effort de volonté, elle posa sur l'impudent personnage un regard extrêmement fier. « En vérité, je ne puis comprendre votre étrange conduite, » dit-elle avec une fermeté méprisante. « De quel droit me posez-vous ces questions ? Pourquoi arrivez-vous ainsi, en secret, au lieu de me parler en plein jour ?»« Ceci est mon affaire, Miss Magali. Ce que je désire, ce que je veux, absolument, m'entendez-vous, c'est que vous deveniez ma femme. Singulière manière de faire une demande en mariage. » « Puisque vous ne paraissez pas m'avoir comprise tout à l'heure, je vous réponds de nouveau, jamais !» Il étendit la main, saisit son poignet avant qu'elle eût pu s'en défendre. « Dites-moi pourquoi ! Dites-moi pourquoi !» rugit-il sourdement, saisi d'une effrayante colère froide. « Parce que vous ne m'inspirez que du mépris, plus que cela même de la répulsion » répondit-elle intrépidement. Il lâcha son poignet et se mit à rire d'un rire sarcastique et effrayant. « Ah, vous aussi, vous avez de qui tenir, je m'en aperçois. Elle aussi m'a répondu cela, mais elle a su ce qui lui en a coûté. Vous, je veux vous vaincre, je le veux, vous serez ma femme, Miss Magali. »« J'aimerais mieux mourir, » s'écria-t-elle en le toisant avec mépris. Il eut de nouveau ce rire qui la faisait frissonner. « Encore une de ces paroles. Non, vous ne mourrez pas, mais vous m'obéirez. Je connais beaucoup de choses, Miss Magali. Je pourrais peut-être, qui sait, vous faire retrouver votre famille maternelle. Voyez-vous quel bonheur si votre cher Freddy devenait riche et pouvait se passer des durs bienfaits d'un impérieux protecteur. Ces considérations ne peuvent peser sur ma décision, dit-elle froidement. » Dieu saura bien arranger toutes choses selon qu'il le jugera nécessaire pour nous. Ma résolution est irrévocable. Laissez-moi passer, je vous prie. » Mais il ne bougea pas. Entre ses lèvres glissèrent ces mots. « Essayons les grands moyens. » Magali sentit tout à coup se poser sur elle ses prunelles devenues d'une intense phosphorescence. Il lui sembla qu'une lueur s'enfonçait jusqu'au fond de son propre regard et, instantanément, elle se rappela une parole de Lady Isabelle. « Il a été dans les Indes l'adepte d'un vieux brahmane qui lui a enseigné le magnétisme. » Une terreur la saisit, un cri d'appel s'échappa de ses lèvres. « Taisez-vous !» dit durement Roswell en lui saisissant le bras. « Taisez-vous, ou sans cela !» Mais quelqu'un s'avançait rapidement. Avant que le secrétaire eût pu opérer un mouvement de retraite, il était saisi par une main nerveuse, entraîné et jeté hors de la serre comme un simple paquet. Après quoi, Lord Gerald, refermant la porte, revint en hâte vers Magali. Lord Lowood, qui se promenait dans la serre avec le duc au moment où leur était parvenu le cri un peu étouffé de la jeune fille, venait d'arriver près de celle-ci. Toute tremblante, Magali s'appuyait au tronc d'un palmier. « Que voulait donc ce misérable ? À quel propos se trouvait-il là ?» demanda d'un ton frémissant Lord Gerald, presque aussi pâle qu'elle, tout en lui approchant un fauteuil. En quelques mots, elle fit le récit de ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle mentionna la demande en mariage faite par le secrétaire, le duc ne put retenir un geste de stupeur dédaigneuse en murmurant entre ses dents « C'est un peu fort, cela !» Et il a insisté, il vous a menacé, Miss Magali, reprit-il tout haut. Oui, milord, il m'a dit qu'il voulait absolument que je sois sa femme, et il m'a même insinué qu'il arriverait peut-être, si je l'acceptais, à retrouver notre famille maternelle. Lord Lowood eut un mouvement un peu brusque qui agita le feuillage du grand phénix placé derrière lui. C'était un moyen que cet habile coquin tentait pour vous décider, dit-il d'un ton froid qui lui était habituel. Évidemment, il n'en sait pas plus long que les autres. C'est fort probable, ajouta le duc. Et ensuite, qu'a-t-il fait, Miss Magali? Devant mon refus persistant, je crois qu'il avait l'intention d'user de ce pouvoir de magnétisme dont m'avait parlé Isabelle. Je ne sais si j'aurais été un bon sujet, mais en tout cas, j'ai eu le temps de me méfier et de jeter un cri. Heureusement, votre grâce n'était pas très loin. Je la remercie vivement de son intervention. Et moi, je vous demande pardon de ce qui vient de se passer. Cet homme étant à mon service, je me trouve en une certaine façon responsable de ses actes. Il va avoir affaire à moi, dit-il avec une irritation qu'il ne parvenait pas à contenir. Je vais immédiatement donner des ordres pour qu'on le recherche et qu'on me l'amène. Milord, ne serait-il pas préférable de laisser partir sans esclandre ce triste personnage ? Dit timidement Magali, déjà frissonnante à la pensée d'une scène entre ces deux hommes, scène dont elle serait la cause involontaire et qui se terminerait à peu près inévitablement par quelque violence de la part du duc si Roswell osait lui résister. Le jeune homme fronça les sourcils, puis une lueur de réflexion traversa son regard et il dit enfin d'un ton de regret « Vous avez raison, cela vaut mieux à cause de vous. Mais il ne perdra rien pour attendre, car je ne supporterai jamais que l'on offense impunément quelqu'un sous mon toit. Je vais vous conduire au buffet, Miss Magali. Il faut absolument que vous preniez quelque chose, vous êtes toute tremblante. » N'osant refuser, elle se leva et posa sa main sur le bras qu'il lui présentait. « Restez-vous ici, milord ?» demanda le duc en voyant que Lord Lowood ne bougeait pas. « Oui, je vais me reposer un instant, loin de la vive lumière qui me fatigue un peu les yeux. Tout à l'heure, j'irai jouir de nouveau du coup d'œil vraiment féerique que présentent ce soir vos salons, mon cher lord. » Il les regarda s'éloigner en mâchonnant entre ses dents. « Quel couple admirable! Si je voulais, pourtant, elle pourrait devenir sa femme. » Oui, un mot de moi et l'obstacle qui les sépare tomberait. Mais jamais, non, jamais, je les jurais. Lord Gérald et Magali avaient gagné le buffet. Sur leur passage s'élevaient des murmures admiratifs, à peine étouffés, qui faisaient monter un peu de rose aux joues pâles de Magali. « Le nord et le midi, » dit la duchesse d'Elano, faisant allusion au costume des deux jeunes gens. « Oui, ils sont en effet aussi éloignés l'un de l'autre que la patrie d'Ibsen l'est de celle de Mistral, » répliqua d'un ton mordant Lady Ophélia, dont le regard irrité avait enveloppé au passage la belle Arlésienne. À travers l'espace, la Norvège et la Provence peuvent néanmoins sympathiser. Les contrastes s'attirent souvent, dit Lord Dorwilly avec un fin sourire. « Celui-là est trop prononcé, milord !» répliqua la jeune fille avec un léger éclat de rire un peu forcé. « Les deux contrées, à moins d'un miracle, ne parviendront jamais à se rencontrer. » « Eh bien, souhaitons donc ce miracle qui fera fondre au soleil de Provence la glace scandinave, » dit tranquillement le jeune officier. Et sans paraître s'apercevoir du coup d'œil rien moins qu'aimable lancé par Lady Ophélia, il se dirigea vers Lady Isabelle, avec qui il devait danser dans le quadrille suivant. Le duc de Saldif, au passage, avait adressé un signe d'appel à Mademoiselle Amélie, modestement assise dans un coin du salon vénitien. Elle rejoignit au buffet les deux jeunes gens, et, tandis que Magali buvait un grog réconfortant, Lord Gérald, à voix basse, à cause des invités qui se trouvaient là, fit part à la vieille demoiselle de ce qui venait de se passer dans la serre. Son irritation n'était pas tombée, il était facile de comprendre que, si William Roswell s'était trouvé là, il aurait passé un fort mauvais quart d'heure. et Magali eut peur encore que cette colère ne l'emportât, ce soir ou demain, à quelque éclat. « Votre grâce n'oubliera pas sa résolution de ne rien faire à cet individu, n'est-ce pas ? » dit-elle d'un ton suppliant. Il eut un sourire qui détendit sa physionomie un peu contractée. « Vous avez peur que ma nature m'emporte ? Rassurez-vous, je me reprocherai trop d'ajouter à ce que vous avez souffert tout à l'heure un ennui quelconque, tel qu'il en pourrait peut-être sortir d'une explication plutôt violente entre ce personnage et moi. Il faut vraiment cette considération pour m'empêcher de le traiter comme il le mérite. Je crois qu'autrefois, je n'y aurais pas résisté. Cela prouve que votre grâce a fait des progrès dans la vertu de patience et va tout simplement devenir une perfection, répliqua Mademoiselle Amélie avec gaieté. Dans les yeux du jeune homme passa une flamme douce qui éclaira singulièrement son beau visage fier. La Providence permet quelquefois qu'une influence bénie aide à notre transformation morale, murmura-t-il pensivement. Le regard de Mademoiselle Amélie, un peu surpris, l'enveloppa une seconde, une tristesse y passa soudain. Elle se tourna vers Magali, qui remettait son verre à un maître d'hôtel. « Vous sentez-vous mieux, ma chérie ? » demanda-t-elle en entourant de son bras le cou de la jeune fille. « Mais oui, je suis à peu près remise maintenant, chère bonne amie. Rassurez-vous, mais je ne pourrais penser de longtemps sans frémir au danger auquel j'ai échappé. Quels yeux avait cet homme ? » fit-elle avec un frisson. « N'y pensez plus, Miss Magali. Et tenez, pour oublier plus facilement cet incident, voulez-vous accepter de danser ce quadrille avec moi si vous n'êtes pas engagée déjà ?»« Non, car je n'avais plus l'intention de danser ce soir. » Mais je crois que je ferai mieux de me reposer. Il me semble, au contraire, qu'un peu de mouvement vous sera favorable. Un quadrille n'est pas fatigant, et cela vous aidera à chasser cette impression pénible, cette frayeur qui vous demeure encore. Ne vous semble-t-il pas, Mademoiselle Amélie ? Oui, peut-être, Milord. Essayez toujours, ma petite Magali. Elle les regarda s'éloigner, et une larme glissa sous sa paupière. « Pauvres enfants » murmura-t-elle. Le duc et Magali allèrent rejoindre un quadrille en formation. Ils avaient comme vis-à-vis Mizetti et le comte de Solquay, que semblaient hypnotiser les dollars de l'américaine. Celle-ci eut une fugitive crispation des lèvres en voyant devant elle ces deux jeunes gens. Comment le duc de Staldiff n'avait pas encore daigné l'inviter ce soir ? Voici qu'il faisait maintenant passer cette demoiselle de compagnie sans le sou avant elle, la richissime Miss Ludler. C'était véritablement à n'y plus tenir. Mizetti n'avait pas été accoutumée à un pareil dédain et elle trouvait absolument irritant ce jeune duc qui ignorait les héritières, non pourvues de suffisants quartiers de noblesse, avait horreur du flirt, raillait le féminisme intransigeant, le seul qui plût à Mizetti, et déclarer que la vraie place de la femme est au foyer, sauf dans le cas, malheureusement trop fréquent, où elle se voit obligée, d'après les modernes conditions économiques, de gagner elle-même le pain quotidien. « C'est là une véritable menace pour l'avenir, disait-il. Dans notre pays surtout, la famille se désagrège. Les clubs féminins, fondés dans un but excellent, et d'ailleurs nécessités par la nouvelle condition sociale de la femme, ne peuvent, malheureusement, qu'encourager cette tendance importée par l'esprit américain. Tendance admirable, car elle ôte à la femme les chaînes dont l'avait chargée la tyrannie masculine, répondit Mizetti d'un ton de défi. Oui, c'est notre gloire à nous, américaines, d'avoir lancé le grand cri de l'émancipation féminine, et ce ne sont pas les revendications masculines qui arrêteront notre essor vers la liberté, vous pouvez le croire, Milord. « J'en suis certain, » avait répondu le duc avec une forte dose d'ironie. « Ce mouvement, dans ce qu'il a de funeste pour la famille et pour l'âme féminine, sera entravé seulement par l'influence des véritables chrétiennes nourries de la pure moelle de l'Évangile. Celles-là ne quittent pas le foyer pour des frivolités mondaines. Pas davantage, elles ne délaissent leurs maris et leurs enfants pour faire des conférences sur le rôle social de la femme ou sur l'hygiène de l'enfance. Elles font d'abord rayonner leur charité sur ceux qui leur sont immédiatement confiés par Dieu et elles la répandent ensuite, abondant encore, les exemples des saints nous le prouvent, sur les malheureux. « Gérald, vous devenez d'une austérité !» disait Lady Ophelia avec une moue charmante qui dissimulait sa sourde contrariété devant cet aperçu de qualité féminine dont elle était fort éloignée. « Je voudrais bien savoir de quel siècle vous êtes, milord !» ajoutait Mizetti, non moins vexée, mais en affectant un ton moqueur. « Du siècle des gens réfléchis, de ceux qui voient un peu plus loin que le présent, Miss Ludler, » répondait-il avec un sérieux nuancé de raillerie. Mizetti, comprenant qu'elle n'arriverait jamais à abattre cette imprenable forteresse, avait essayé alors d'engager avec lui quelques petites escarmouches pour le seul plaisir de le contredire et de l'irriter un peu. Mais il lui fallut renoncer bien vite. Lord Gérald maniait supérieurement l'ironie et, sous les dehors d'une parfaite politesse, il savait lancer de si fines petites pointes que Mizetti, malgré son aplomb, se trouvait absolument sans riposte. Mais elle en voulait au jeune duc de sa hautaine indifférence, elle en voulait, ce soir surtout à Magali, du succès obtenu sans le chercher, beaucoup plus encore par le charme de fière simplicité qui émanait d'elle que par sa beauté. À un passage du quadrille, comme elle donnait la main à la jeune Arlésienne, elle se pencha un peu vers elle, ses lèvres effleurèrent presque l'oreille de Magali. « Bonne réussite, future duchesse » murmura-t-elle railleusement. Magali devint pourpre, sa main, qui reprenait en ce moment celle de son cavalier, eut un tressaillement. Lui avait perçu ce chuchotement, il avait peut-être compris la petite méchanceté de l'Américaine, car celle-ci reçut en plein visage un de ces regards dont les subordonnés du duc de Saldif disaient qu'il faisait rentrer sous terre. Ce fut au tour de Mizetti de rougir, et de tout le quadrille, son cavalier n'entendit plus sa voix. Magali, le cœur serré, demeurait également silencieuse, et Lord Gérald ne semblait pas beaucoup plus désireux de parler. Le quadrille terminé, il lui offrit son bras, et il dit, tout en se dirigeant vers le salon voisin, « Voulez-vous me permettre de vous présenter à Madame de Solefeuille ? Elle m'en a témoigné le désir, comme étant un peu votre compatriote, puisque vous êtes à demi-française. C'est une personne extrêmement aimable et bonne, et appartenant à une famille d'artistes, excellent peintre elle-même, elle pourra vous être utile si, décidément, vous abordez la peinture comme moyen d'avenir, ainsi que me l'a dit Isabelle. » « J'y songe beaucoup, en effet, puisqu'on m'assure que j'ai des chances de réussite. Cette carrière serait préférable à celle de l'enseignement, la seule où je puisse utiliser ma voix, puisque je n'ai aucunement le goût de me faire entendre dans les concerts. » Évidemment, ce parti me paraît tout à fait supérieur. Il est certain que vous devez avoir hâte d'être indépendante, bien que, j'ose l'espérer, notre hospitalité ne vous ait jamais semblé par trop lourde, malgré les petites méchancetés d'Ophélia et ma conduite passée envers vous, acheva-t-il d'une voix un peu étouffée. Magali hésita une seconde, puis elle répondit résolument « Je dois l'avouer à votre grâce, j'ai eu à ce sujet de fréquentes révoltes. » Mon orgueil s'est cabré maintes fois devant ces bienfaits que je ne pouvais refuser. J'ai même eu des velléités de fuite et la pauvre mademoiselle Amélie a eu fort à faire avec moi. Mais j'ai compris ensuite, sous l'influence de la religion, combien cette fierté, aussi exagérée, était coupable, combien aussi je devais de reconnaissance à ceux qui avaient recueilli si généreusement les pauvres orphelins que nous étions, Freddy et moi, et ce sera vraiment de toute mon âme que je remercierai nos bienfaiteurs le jour où nous serons sur la voie du succès, » dit-elle avec une émotion qu'elle avait peine à maîtriser. « Vous leur avez rendu au centuple le peu qu'ils ont pu faire pour vous. Ne parlez jamais de reconnaissance, à moi du moins, » dit-il avec une sorte d'impatience. Ils arrivaient près de Madame Solefeuille. Le duc lui présenta Magali, qu'elle accueillit avec une extrême amabilité, et s'éloigna aussitôt. Au passage, son cousin Ferdinand l'arrêta. « Quelle mine sérieuse vous promenez aujourd'hui à travers vos salons, mon cher. Avez-vous, comme moi, subi un échec complet dans une demande en mariage ?»« Ne dites pas de sottises, Ferdinand, » répliqua Lord Gérald d'un ton sec. « Vous en avez déjà fait une aussi, comme je le crois, c'est à Miss Dolté que vous avez offert de devenir comtesse de Volberg. » « Parfaitement, Où trouvez-vous que ce soit une sottise ? Dit Ferdinand vexé. C'est votre orgueil qui se révolte à la pensée d'une mésalliance de ma part, mais moi, je ne suis pas si absolu sur ce chapitre, et, ma foi, ce n'est pas une pareille question qui m'aurait arrêté pour conquérir cette perfection, si elle avait voulu, hélas. Et si votre père avait donné son consentement, ce qui ne se serait jamais produit. Eh bien, je m'en serais passé, dit Ferdinand avec un geste provoquant. Vous, peut-être, mais elle, jamais. C'est bien possible, car elle a des principes très absolus. Enfin, il est inutile de discuter, puisqu'elle a refusé sans une hésitation. Elle aurait fait cependant une délicieuse comtesse, soupira-t-il. Gérald, elle m'aurait certainement rendu plus sérieux. Elle en aurait été capable. Allons, mon pauvre Ferdinand, ne faites pas cette mine désolée, dit le duc en frappant amicalement sur l'épaule de son cousin. Vous vous consolerez vite, mon très cher, vous oublierez cette petite déception. Petite, je ne la considère pas ainsi, moi, dit Ferdinand avec une impatience un peu irritée. Vous avez un cœur si pondéré, si cuirassé, Gérald, que vous ne pouvez guère comprendre, il me semble, une souffrance de ce genre. Une sorte de sourire amer entr'ouvrit les lèvres de Lord Gérald. Vous avez raison, Ferdinand, nous n'éprouvons pas des impressions semblables. Mais faites-moi l'honneur de croire que je n'ai pas un cœur de glace et que je sais sentir et souffrir, peut-être pas de la même manière que vous, mais la mienne n'est certainement pas la moins pénible, acheva-t-il à part lui.